L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Deuxième édition du festival Varangéville de paix les samedis 22 et dimanche 23 septembre au prieuré de Varangéville. Patrick Falgas, bonjour. Bonjour. Vous représentez le mouvement de la paix. Oui, voilà, oui, je suis un des animateurs. Oui. Un mot sur le mouvement de la paix, qu'est-ce que vous y faites? Le mouvement de la paix, c'est une association qui est reconnue d'éducation populaire qui date de 1947, donc c'est né... Principalement de suite à Hiroshima et Nagasaki. Voilà, donc notre comité local, mais au plan national, nous luttons pour le désarmement, pour l'amitié entre les peuples. Voilà, après, les dernières actions, c'est pour que la France signe le traité d'interdiction des armes nucléaires, comme 122 pays l'ont déjà fait. Voilà. Ce sera donc la deuxième édition de ce festival Varangéville de paix, donc à Varangéville, comme son nom l'indique. L'idée de ce festival, c'est quoi? C'est d'amener les gens à être ensemble, à découvrir les différents combats du mouvement de la paix, à des intervenants de différentes associations qui luttent pour l'amitié, par exemple, entre les peuples, comme la FPS, il y aura aussi d'autres mouvements d'autodétermination des peuples, par exemple, les Sahraouis, peut-être, cette année. Il y a différents programmes, il y aura un film, des débats, des animations. Donc un grand week-end pour se retrouver, pour partager en même temps ces mêmes objectifs. C'est la deuxième édition, comment s'est passée la première? C'était suite à une invitation du maire de Varangéville, donc René Bourgeois, qui a répondu à notre appel pour avoir un lieu pour faire ce premier rassemblement pacifiste sur la région. Donc il nous a offert un lieu qui est un très beau lieu. Et donc cette année, ça sera un peu plus champêtre puisque c'est l'espace prieuré, donc on pourra avoir un lieu de camping, ça pourra durer plus longtemps la nuit et le samedi. Il y aura des groupes musicaux comme les Buraleurs qui doivent venir. Voilà, la musique sera présente. Oui, la musique sera présente. Je pense qu'il y aura aussi peut-être des petits spectacles avec des animations plus tournées vers la jeunesse, les plus jeunes. Tout le monde sera bienvenu en tout cas pour découvrir les différents mouvements. Donc il y aura le mouvement de la paix, mais aussi d'autres associations. Oui, dans les associations pacifistes, il y a le MOC qui est invité. Il y a les différents syndicats qui sont partie prenante du livre blanc de la paix, comme la CGT par exemple, doit avoir un stand. Les partis politiques qui viendront exposer, parce que nous voudrions faire un débat par rapport aux européennes sur... quelle Europe, quelle armée nous avons besoin, leurs propositions pour les futures élections, Donc c'est ouvert aussi aux partis politiques qui veulent s'exprimer dans ce domaine, Alors ce qui est aussi intéressant par rapport à ce week-end, c'est que tout est gratuit. L'entrée est gratuite. Après la participation, bien sûr. L'an dernier, nous avons bouclé juste notre budget. C'est vrai que nous avons de subventions de personnes, à part l'aide de la municipalité de Varangéville et de Dame Levière. C'est ouvert à tous. Alors comment on peut faire pour suivre un peu la préparation de cette deuxième édition du festival Varangéville de paix, donc qui se déroule, je le rappelle, le samedi 22 et dimanche 23 septembre au prieuré de Varangéville? Comment on peut faire pour suivre l'actualité de ce festival et pourquoi pas proposer ses services en tant que bénévole? Ça c'est une bonne idée. Oui, c'est vrai que s'il y a des bénévoles, des jeunes... parce que nous tournons vers la jeunesse, c'est l'avenir, ceux qui prendront les choses en main plus tard. Donc on a besoin de bénévoles. Pour se renseigner, sur Facebook, il y a le mouvement de la paix et puis Lorraine de la paix, c'est l'appellation du mouvement. Sinon, il y a le site national qui vous renverra au site local du mouvement de la paix. Sinon, on peut nous joindre par téléphone, en prenant des renseignements auprès de la municipalité de Varangéville. Les informations et les liens seront sur le site de la radio, donc fadjet.net. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Voilà, merci bien. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.